بسم الله الرحمن الرحيم دخل المؤلف حفظه الله تعالى aujourd'hui dans un nouveau fasl qui est من معالم دعوة أهل السنة التميز عن أهل الأهواء والبعد عنهم de cette دعوة qui fait partie du fait de se distinguer des gens des passions et de s'éloigner d'eux. التميز parmi les points les plus importants dans ce manhaj bani est la distinction que certains ont mal compris ou interprété comme étant de la hizbiya mazmouma, chose qui n'est pas le cas. Que les gens du haq se distinguent des gens du faux pour ne pas justement que les gens arrivent, puissent confondre entre les deux, que la chose soit claire pour les gens. فقال حفظ الله تعالى قد أمر الله تعالى في كتابه بالإعراض عن أهل الأهواء فقال الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلى الحياة الدنيا. Donc Allah dans son Coran, justement, dans son livre, a ordonné de se détourner des gens des passions, dans le sens où il dit et détourne-toi de ceux qui sont éloignés de notre rappel et qui ne veulent que la vie de ce bas monde. An-Najm, l'étoile, verset 29. Faqala ta'ala wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa وَكَيْنَا أَمْرُوا فُرُطَا. Donc il dit, et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir et qui veulent son visage. Et ne tourne pas ton regard vers ceux qui veulent la période de ce bas monde. Et n'obéis pas à ceux dont nous avons recouvert le cœur de notre rappel et qui suivent leur passion et dont le comportement est outrancier. Al-Kahf, la caverne, verset 28. وَقَالَ تَعَالَى فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Délaisse-les ainsi que ceux qu'ils inventent. Al-An'am, les bestiaux, verset 112. Wa qala ta'ala, wa idha ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Et dans le sens où il dit, et si jamais tu vois ceux qui parlent, c'est-à-dire sans science dans nos versets, alors détourne-toi d'eux. C'est ça ce qui change de discussion. Et si jamais Shaitan te fait oublier cela, alors ne t'assois pas après le rappel avec le peuple d'injustes. Ne reste pas avec ces gens-là. Al-An'am, le verset 68. Wa qala Abu Ja'far al-Baqir, la tujalisu al-khusumat fa innahum allazina yakhuduna fi ayati Allah. Qu'il a dit, Abu Ja'far al-Baqir, ne vous asseyez pas avec les gens des litiges, c'est-à-dire les gens des passions, car ce sont eux qui passent sans chance dans les versets d'Allah Azza wa Jal. وكان المسلمين يروا ان هذه الايه واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا نزلت في اهل الاهواء et que ibn Sulaym voyait que le verset comme on disait précédemment concernait les gens des passions. قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى عند هذه الايه. Donc c'est maintenant le texte de l'imam Shawkani par rapport à ce verset toujours. قال في هذه الايه موعظه عظيمه لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتعالبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد ذلك إلى أهوائهم المضلة بدعوهم الفاسدة وبدعوهم أفوان الفاسدة. Donc il dit que ce verset est une exhortation immense pour celui qui se permet de s'asseoir avec les gens de l'innovation, ceux-là même qui déforment la parole d'Allah Azza wa Jal et qui jouent avec les textes, avec le Coran et la Sunna. Et pour cela, pour pouvoir en résulter, de pouvoir suivre leur passion et de pouvoir en sortir des bidards, des innovations. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ وَيُغَيِّرْ مَهُمْ فِيهِ بِالْأَقَلِ الْأَحْوَالِ أَنْ يَتُرْكَ مَجَلِسَتَهُمْ وَذَلِكَ يَسِيرْ عَلَيْهِ غَيْلِ وَذَلِكَ يَسِيرْ عَلَيْهِ غَيْلِ عَسِيرْ وَقَدْ يَجْعَلُونَ حُضُورَهُمْ مَعَهُمْ مَعَ تَنَزُّهِهِ عَمَّا يَلْتَبَسُونَ بِهِ شبوات يشبهون بها على عامة فيكون في حضورهم مصدة زائدة على مجرد سماع المنكر. Car si jamais la personne ne peut justement blâmer le mal, les faussetés qu'ils disent, ni les changer, au minimum ils délaissent leurs assises. Et cela est très facile à faire. Cela est très facile à faire, de se lever, de partir. Car en restant chez eux, bien que lui, par exemple, ne soit pas d'accord avec leur parole, en restant auprès d'eux, cela amènerait à la confusion aux gens de la masse qui le verraient avec eux et qui penseraient que si Amistam là est avec eux, ça veut dire que ces gens-là sont des gens de bien. Donc cela amènera encore un plus grand mal que le fait de les écouter. وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر فقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالس أهل البدع المضلة فيها من المفاسد أضعف أضعف ما في مجالس من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. Et l'imam Chokani cite que lui-même a déjà assisté à ce genre d'assises et il s'est mis à défendre justement, à réfuter les gens du faux en fonction de ses capacités. Et il sait que il dit que ceux qui connaissent justement cette charia qui est pure, qui la connaissent réellement, savent que le fait d'assister à ce genre d'assises, d'être présent, cela contient des méfaits bien plus grands et bien plus immenses que le fait d'assister aux assises des gens qui désobéissent à Allah Azza wa Jal par les simples péchés, autres que les bidats. وَلَا سِيَمَا لِمَنْ كَانَ غَيْرَ رَاسِخِ الْقَدَمِ فِي عِلْمِ كِتَابِ وَالسُنَّةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَتَّفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَاذِبَتِهِمْ وَهَذَيَانِهِمْ مَا هُوَ مِنَ الْبُطْلَانِ بِأَوْضَحِ مَكَانٍ فَيَنْقَدِحْ فِي قَلْبِهِ مَا يَصْعَبُ عِلَاجُهُ وَيَحْصُرُ دفعه فيعمل ذلك مدة عمره ويلقى الله بهم معتقدا انه من الحق وهو من اباطل من ابطل الباطل وانكر المناكر. Il dit, et tout particulièrement pour ceux justement qui seraient amenés à assister à ce genre d'assises, pour cela encore plus dangereux pour ceux qui n'ont pas vraiment leurs pieds ancrés dans la science, car il se peut qu'ils se fassent avoir par les mensonges et les faussetés de ces gens-là. Et par la suite, cela rend dans son cœur et qu'on ne puisse le soigner. Et il se mettrait à œuvrer de la sorte jusqu'à ce qu'il meure. Et qu'il rencontrerait Allah Azza wa Jal ayant pour fausseté comme croyance véridique dans son cœur. C'est-à-dire pour lui, ces choses fausses qu'il aura entendues, quand même, il les aura pris et en aura fait sa croyance. C'est-à-dire que le Mubtadir, lorsqu'il fait les choses, il a pour croyance que ce qu'il fait est un bien. Par lequel il s'approche d'Allah Azza wa Jal. Alors que le Fasiq, lui, ce qu'il fait, il sait que c'est un mal et qu'il faudrait qu'il arrête, mais ses passions l'empêchent de le faire. Ce qui prouve que le novateur est plus dangereux que le pervers. Bien que le mot pervers peut s'appliquer également à le novateur. Et malheureusement, on voit en cette époque des gens, justement, qui font agissent de la sorte, qui, tu vois, des ulama, nasihoun, mettre en garde contre des gens de l'innovation, contre des hizbi, des jama'at, déviés, avec des preuves claires. D'accord ? Ils mettent en garde contre eux. Ils se fatiguent à montrer aux gens de la umma le mal de ces gens-là. Et tu vois d'autres personnes s'affilier à l'armen hedge, c'est-à-dire ses conseillers, qui se disent salafis, aller se rendre auprès de ces gens-là et donner des conférences chez eux, donner des cours chez eux, participer à leur daourat, sous prétexte qu'ils disent que moi, ils ne font pas de mal et que j'ai mes conditions. Donc en faisant cela, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si les mises en garde de ces savants n'étaient pas prises en considération. Et cela amène également à la division. Car eux mettent en garde, d'accord? Et de l'autre côté, les gens voient ce savant salafi se rendre chez ces gens de la Hizbiya. Donc ils se disent, si lui, un tel, il y va, c'est qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, à la base. Et en plus, ils se disent que si jamais ces gens-là invitent ce savant salafi, c'est qu'ils ont du bien en eux. Car si jamais il était comme les autres, ils ne l'appelleraient pas auprès d'eux. Et ça, c'est une réalité. Celui qui est sur le haq, sahabit, les gens du faux ne l'appellent pas. Et si jamais ils l'appellent, c'est en but que d'en tirer les gens comme une forme d'appât pour attirer les gens auprès d'eux et pour pouvoir augmenter leur nombre. C'est tout. Donc les gens qui se disent du ménage salafi et qui se rendent auprès des gens de l'innovation en disant, soi-disant, que la science se propage ou qu'on la réclame ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend auprès des mouchriquines pour pouvoir faire da'wah, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend auprès d'eux pour leur faire ikamat al-hujja, pas pour assister à leur fausseté. Il allait les voir pour leur parler à eux et leur dire que ce qu'ils font, c'est du faux et c'est du shirk billah azza wa jal. Il n'allait pas s'asseoir, un qui parlait, deux qui parlait, après à son tour de parler, je parle aussi et après je m'en vais. Quand il allait chez les mouchriquines, c'était pourquoi? Pour leur faire ikamat al-hujja, pour les réfuter. Donc si tu vas chez les mutadiyah pour les conseiller, les réfuter, naam, mais tu vas auprès d'eux et tu parles de sujets généraux sur le bon comportement, le sujet sur le droit des voisins, sur la valeur de la science, ce genre de choses, le mutadiyah, il verra pas la distinction. Il verra pas en toi un danger pour lui et comme un dévoilement de son mal. Donc bien sûr, il va t'appeler à venir. Donc attention, c'est chupou, il y a des gens qui disent que on peut s'en auprès des hizbi si jamais on a des conditions. La condition, c'est que tu y ailles et que tu ailles les conseiller et que tu ailles les réfuter. Sans quoi tu ne vas pas chez eux. Car en faisant cela, tu trompes les gens. Wallahi a'oudhu billah. Que cela amène le tamia, que cela amène à ramollir cette religion. ثم ذكر بعض اثار من السلف. اولا ذكر d'abord le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'exemple justement de la bonne fréquentation et de la mauvaise est comme l'exemple du forgeron et du souffleur de verre et du vendeur de parfum. C'est le vendeur de parfum. Si jamais tu te mets auprès de lui, soit tu prendras de lui du parfum, tu l'achèteras, ou au minimum, tu prendras de lui une bonne odeur, du fait que tu restes à côté de lui. Donc tu n'auras que du bien à le fréquenter. Alors que le forgeron et le souffleur de verre, lui, soit en restant près de lui, il va te brûler tes vêtements, tu seras atteint par des braises, des choses qui soufflent, ce qui atteindra tes vêtements, ou au minimum, en restant près de lui, tu auras la mauvaise odeur, justement, de ce métal en fusion et autres. Donc tu auras forcément un mal à en tirer. Donc le aqil, quand il voit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne des gens du mal. Il s'éloigne des gens du mal en totalité. Et l'imam al-Nawawi, il dit en commentaire de ce hadith, « Fihi fadhila majalisat al-salihin wa alil khayr wa al-murua wa makalim al-akhlaq wa al-wara' wa al-ilm wa al-adab wa al-nahi an mujalisat ahli al-shar wa ahli al-bida' wa nahu zalika min anwa' al-mazmouma. » Donc il dit dans ce hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, et le hadith, il est mutawakkun alayhi, il dit cela démontre justement les bienfaits d'avoir des bonnes fréquentations, des gens de noble caractère et de bonnes mœurs, des gens de science et de bon comportement. Et cela démontre l'interdiction de fréquenter les gens du mal et les gens de la bida. C'est-à-dire, c'est général. Les gens des péchés et les gens de la bida, bien que les gens des péchés sont de mal moins grave que ceux de la bida. Et il finit en disant que Ibn Abbas رضي الله عنه دي لا تجلسوا أهل الأهواء فإنما جلستهم ممرضة للقلوب. Qu'il a dit Ibn Abbas رضي الله عنه, ne fréquentez pas les gens des passions car leurs assises sont des choses qui rendent les cœurs malades. Et Abu Qilabah رحمه الله تعالى a dit لا تجلسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. Il a dit quoi Abu Qilabah? N'assistez pas aux assises des gens des passions et ne débattez pas avec eux, car vous n'êtes pas à l'abri qu'ils vous prennent dans leur égarement et qu'ils vous trompent en religion, c'est-à-dire qu'ils vous fassent oublier ce que vous connaissiez auparavant et vous mettiez à croire ce qu'ils croient et agir comme ils agissent. Wa qala Hassan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin la tujalisu ashab al-ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Pareil, ne fréquentez pas les gens des passions. Ne débattez pas avec eux et n'écoutez pas d'eux. N'écoutez pas ce qu'ils ont à dire. Et là, on parle bien des gens des passions déclarées, bien évidemment. قال وقلت هذا ما صار عليه شيخنا الإمام الواضعي رحمه الله تعالى في دعوته التميز عن أهل الأهواء والبعد عن محاضراتهم ومجالسهم. فبهذا انتشرت الدعوة وصارت في الصفاء والنقاء ويسر بها كل سني صادق واغتاظ بها كل مبتدع مرجف. مرجف. Il a dit c'est comme ça justement. C'est là-dessus qu'a acheminé l'imam Wadi'i, l'imam Mukbil, rahmallahu ta'ala, dans sa da'wah. Le fait qu'il se distinguait des gens des passions et qu'il s'éloignait d'eux, qu'il n'assistait pas à leurs conférences ni à leurs assises. Et c'est comme ça que la da'wah au Yémen s'est propagée, justement, en étant pure et claire. Et que chaque sunni l'a connue. Et que cela a fait du mal à tout moubtadir et à tout jaloux. La da'wah au Yémen, et contrairement à beaucoup de da'wah, elle est claire et nette et limpide. Celui qui vient au Yémen verra vite qui sont les salafis et qui ne le sont pas. Dans des pays où tu verras les salafis et les gens de la bida, ils sont tous mélangés ensemble. Tu ne sais plus qui est qui. À la même apparence, le même discours, les mêmes lieux qu'ils fréquentent, les mêmes cours qu'ils donnent. Et si jamais tu parles sur eux, on te dit que tu fais du riba, que tu fais de la calomnie, et les zalika, ou que cela est une chose qui divise la communauté. Au Yémen, ça ne marche pas comme ça. Au Yémen, les gens de la sunna parlent sur les gens de l'innovation. Et critique même les gens de la sunna qui auraient des erreurs et qui ne veulent pas revenir des erreurs graves, ils les conseillent ouvertement et réfutent l'erreur. D'accord, ils réfutent l'erreur. C'est une chose qu'il faut pas avoir peur de le faire. Et cela fait partie justement du din, de la nasiha pour la religion. Et les sahaba entre eux sont déjà réfutés sur des masa'il, quand certains sahaba ou d'autres sahaba avoir tort sur certains points, ils le disaient clairement. Et ce n'est pas une cause de division, ça c'est au contraire une cause d'union. Car celui qui aime le haq délaisse l'erreur et vient vers la vérité. Naam. Donc ça c'était le point de clé aujourd'hui qui était cette da'wah parmi ses points distinctifs justement qu'elle se distingue des gens de l'innovation, d'accord, qui ne le fréquentent pas, se mélangent pas à eux et qui mettent en garde contre eux. Walhamdulillah bilalamin.